Section 56 de La lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johann. La lecture, tome 2e. Section 56. Le manteau déchiré, conte de Noël, par Maxime Ducamp de l'Académie française. Chapitre 9. Lorsque le petit Jacques se réveilla, il regarda autour de lui et fut très étonné. Le ravin, la neige, la forêt, la montagne, le ciel gris, le vent glacial, tout avait disparu. Il chercha son fagot et ne le put découvrir. Il crut qu'il rêvait et se frotta les yeux. Le pays où il était, il ne l'avait jamais vu. Jamais il n'en avait ouï parler. Il avait beau le contempler, il ne pouvait en définir la substance, en circonscrire l'immensité, en comprendre les splendeurs. L'air était tiède, imprégné d'un parfum exquis, et il s'en exhalait une harmonie qui mettait le ravissement au cœur. Jacques se leva, ses pieds marchaient sur un sol élastique et transparent qui se soulevait à chacun de ses pas, comme pour lui éviter la fatigue. Une auréole lumineuse voltigeait autour de lui et l'enveloppait. Au lieu de la roulière déchirée qu'il avait placée sur les épaules du crucifié, il était revêtu d'un manteau couleur du temps, parsemé d'étoiles, sans couture, comme la robe qui fut jouée au dé sur le sommet du calvaire et où flottaient quelques fils échappés à la quenouille de la Vierge. Ses mains, ses pauvres petites mains, tuméfiées par les engelures, crevassées par le froid, déformées par les durs travaux, étaient devenues si blanches et si douces qu'elles ressemblaient au bout de l'aile des cygnes. Jacques était émerveillé, mais il n'avait point peur. Nulle impression de crainte ne le troublait. Non seulement il était calme et rassuré, mais il se sentait léger, comme débarrassé d'un fardeau qu'il ne se souvenait pas d'avoir porté, et pénétré de béatitude. « Où suis-je donc ? » demanda-t-il. Une voix plus harmonieuse que le souffle des brises répondit « Dans la maison de mon père, dans la maison où viennent les justes, et où vivent à jamais les hommes de bonne volonté. » Jacques vit alors se dresser devant lui, à travers un voile fait de lumière et d'azur, le grand crucifix du Trève, le crucifix de granit. Le manteau de grand-pierre, la roulière trouée, flottait sur ses épaules. À ses pieds étaient répandues les épines dont Marguerite s'était servie en guise d'épingle. Tout en conservant sa grossière apparence, l'étoffe, plus diaphane qu'un nuage, laissait apercevoir des rayonnements de soleil, et les épines brillaient comme des escarboucles. C'était bien le Christ auquel Jacques avait porté secours, mais une beauté surhumaine éclairait son visage, et ses membres de pierre étaient animés d'une vigueur éternelle. Autour de lui, dans des espaces que l'œil ne pouvait découvrir, on entendait résonner des chants aériens. Jacques s'agenouilla et se prosterna. Le Christ lui dit « Relève-toi, cher petit. Tu as eu pitié de ton Dieu qui souffrait. Tu t'es dépouillé de ton manteau pour lui. Tu l'as fait dans la simplicité de ton cœur, parce que tu es bon. Et c'est pourquoi je t'ai donné mon manteau en échange du tien, car de toutes les vertus, la plus haute et la plus rare, c'est la bonté. Elle passe sagesse, intelligence et savoir. Pour toujours désormais, tu es l'hôte et l'ami de ton Dieu. » Jacques fit un pas vers l'éblouissante vision et tendit les bras avec un geste de supplication. « Que veux-tu ? » dit la voix. Tout bas, comme s'il n'eût osé formuler sa prière, Jacques murmura « Maman !» Le Christ se rappela que, défaillante et suffoquée de larmes, sa mère était tombée au pied de la croix. Il fit un signe de tête pour approuver le petit Jacques. « Celui, dit-il, qui a souffert pour moi, s'est racheté lui-même et rachète ceux qu'il a aimés. Jacques, ta prière est exaucée, que l'on envoie les anges qui ont transporté Marie l'Égyptienne. » On entendit un bruissement d'ailes et un sourire de joie illumina la face du Christ. Jacques priait, mais sa prière ne ressemblait à aucune de celles qu'il disait jadis. C'était un chant d'extase qui s'élevait spontanément de lui avec des paroles si belles qu'il n'en avait jamais entendu de semblables. La grâce et l'harmonie jaillissaient de ses lèvres, et il ressentait un bonheur ineffable à s'écouter prier. Du fond de l'horizon, plus clair que le cristal, on aperçut Marguerite qui s'avançait au milieu d'un tourbillon d'ailes blanches. Elle n'était plus ni pâle, ni maigrie, ni désolée. Elle était rayonnante et brillait de cette lumière intérieure qui est la beauté des âmes et qui seule est impérissable. Devant le Christ, les anges la déposèrent. À genoux, le front sur les mains, elle adora celui en qui elle avait cru, celui dont elle n'avait jamais désespéré et qui la récompensait de sa foi et de son espérance. Lorsqu'elle redressa la tête, elle vit deux ombres. Deux âmes agenouillées à ses côtés. L'une était le petit Jacques, l'autre était grand-Pierre. Tous les trois se confondirent dans le même baiser et dans le même élan de gratitude. Des larmes coulaient des yeux du Christ parce qu'il était heureux. Fin de la section 56.